Si la bande-son donne le ton, l'image est encore plus crue. Graphic, disent les Américains. Une petite fille se masturbe avec un crucifix, les joues couvertes de son propre sang. Sa mère, effondrée, tente de l'en empêcher. Soudain, la fillette lui attrape la tête et la dirige de force vers son entrejambe avant de la projeter au sol d'un violent revers de la main. Cette scène d'une extrême brutalité a choqué des millions de personnes. Nous sommes en 1973, quand l'Amérique de Nixon découvre le film de William Friedkin, L'Exorciste. Les rumeurs les plus folles courent alors sur le réalisateur, ses acteurs et son tournage, attirant les curieux en mal de sensations fortes. Partout dans le monde, les salles s'en comblent, les bien-pensants scandalisés, l'Église, paradoxalement, divisée. Belzébuth, superstar, retour dans Affaires sensibles aujourd'hui sur un film maudit entre légendes sanglantes et coups marketing, car telle est l'histoire de l'exorciste, chaotique, passionnel, historique et hystérique. Notre invité aujourd'hui, Julien Maurice, est scénariste et réalisateur spécialisé dans les films de genre. Il a co-réalisé 4 longs métrages avec Alexandre Bustillo, dont le dernier, Leatherface, sortira sur les écrans en janvier prochain. Dans cette émission, vous entendrez des extraits de L'Exorciste en version française, tirés du coffret collector Prestige, édité par la FNAC. Vous entendrez également le reportage d'Anaël Verzo, notre reporter, a rencontré un prêtre qui pratique des exorcismes près du cimetière du Père-Lachaise, à Paris. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jeanne Meyer, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègue. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. ...1971, les États-Unis d'Amérique vont mal. Alors que le pays n'est pas encore sorti du bourbier vietnamien, les séquelles physiques et morales sont déjà bien visibles. Les jeunes protestent et la police violente, les manifestants qui prônent la paix. Les militants du mouvement des droits civiques subissent eux aussi la répression policière sur fond de ghettoisation des populations noires. Des émeutes urbaines éclatent un peu partout, alors que le chômage fait rage dans un pays qui connaît une crise financière et semble-t-il morale sans pareil depuis 1929. Confrontée à ces conflits sociaux, générationnels et raciaux, une partie de l'Amérique est plongée dans l'angoisse et la paranoïa. Face à la mise à mal de la mythologie nationale, il faut donc trouver un échappatoire. Pour certains Américains, ce sera le flower power, les drogues hallucinogènes, une spiritualité mystique. Pour d'autres, l'occulte, voire le satanisme, comme en témoigne l'affaire Charles Manson, assassin de Sharon Tate. Satan, Belzébuth, le malin, bref, tous ces noms qu'on donne au mal inspirent la culture populaire comme Robert Wise et sa Maison du Diable ou Roman Polanski avec Rosemary Baby. C'est dans ce contexte tendu qu'un auteur va parvenir à cristalliser les peurs irrationnelles qui agitent les États-Unis. William Blatty, catholique fervent et ancien étudiant à l'université jésuite de Georgetown, scénariste de comédie, publie L'Exorciste, un livre vendu à 13 millions d'exemplaires, best-seller pendant un an et demi. Ce roman sorti en 1971 est une vieille idée de l'écrivain. Il y pense secrètement depuis toujours. Depuis ce cours, plus précisément, qu'il a suivi en 1949. Alors qu'il étudie encore la philosophie scolastique, un professeur lui parle d'un adolescent, John Hoffman, possédé par un démon puis exorcisé par des prêtres catholiques avec succès. Cette histoire marque profondément le jeune Bill qui voit une preuve de transcendance. Et les chemins de la dialectique l'amènent à cette conclusion, si des forces maléfiques existent et qu'un prêtre a pu s'en débarrasser, c'est que Dieu existe. 22 ans plus tard, après 9 mois d'écriture à raison de 14 heures par jour, le roman est enfin publié, prêt à exorciser justement les peurs d'un pays en crise. L'écrivain s'est inspiré des symptômes de l'exorcisme de 1949, à savoir l'augmentation de la force musculaire, l'usage d'une langue inconnue, l'apparition inexpliquée de griffures en forme de mots ou l'obsession sexuelle, autant d'ingrédients pour écrire l'histoire de son roman à succès qui deviendra bientôt un film, L'Exorciste. L'Exorciste, voici ce que dit le scénario. Regan vit avec sa mère, Chris McNeil, célibataire, actrice de cinéma et athée convaincue. Frappée par des troubles du comportement que les médecins ne parviennent pas à soigner, la jeune fille ne semble plus elle-même et le lit où elle est attachée ne suffit plus à amortir ses crises. Quand elle n'a pas de convulsions ou ne vomit pas, elle profère des obscénités d'une voix sépulcrale, le visage purulent et crevassé avant d'attaquer physiquement ses interlocuteurs. Un jour, le réalisateur du film dans lequel joue sa mère est retrouvé mort sous la fenêtre de Reagan. Chris McNeil, sa mère, contacte alors un prêtre à la foi vacillante, Damien Carras, qui fait lui-même appel à un spécialiste du diable, le père Merrin. Au terme d'un ultime et violent exorcisme mené à grand renfort de crucifix, prières et eau bénite, Carras et Merrin succombent. Le premier d'un infarctus, le second en voulant sauver la jeune fille. Possédé à son tour par le démon qui avait pris Reagan, il se jette par la fenêtre pour s'en débarrasser. Conclusion, le mal existe, mais Dieu triomphe toujours. Dans ce roman traduit en 18 langues, dont le français, le mal devient plus terrifiant que jamais. Non seulement Reagan se mue physiquement en un monstre aux yeux blancs et à l'odeur pestilentielle, mais le diable qui la possède, la dote de pouvoirs surnaturels, télékinésie, lévitation, souplesse extrême. Le roman est soutenu par une partie de l'Église pour sa spiritualité, tandis que certains religieux le jugent abominable, comme Mgr Duc au Bourget, qui condamne la rencontre du diable et de la culture. Évidemment, il s'est modernisé. Il n'a plus besoin de faire par lui-même un travail artisanal. Il a de grosses usines dont il est le PDG, et ce sont ses employés qui font son travail. C'est-à-dire, excusez-moi, la presse, la radio, la télévision, le théâtre, la littérature, que sais-je, et tout ce qui, évidemment, vient faire l'œuvre du mal sur Terre. Oui, mais enfin, ce que le prêtre a oublié, c'est que le mal le plus redoutable n'est peut-être pas dans la littérature, mais dans le cinéma. Et précisément, face au retentissement de son roman, William Blatty rêve encore plus grand. Et si pour mieux convaincre le public de l'existence de Dieu, on transposait cette intrigue diaboliquement rentable sur grand écran? Warner Bros. Lui propose à point nommé de racheter les droits de l'exorciste. Le pacte est rapidement conclu. Blatty n'a pas vendu son âme, mais il accepte de vendre son roman pour 600 000 $. Et à une condition, il sera le scénariste et l'unique producteur du film. Le scénario de l'exorciste est prêt, ne manque plus qu'à lui donner vie, à trouver celui qui réalisera le film. Un film ardu, au message théologique complexe et aux nombreuses scènes paranormales. La Warner envisage Cassavetes avant de proposer le scénario à Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick et Arthur Penn, rien que ça. William Blatty, lui, veut William Friedkin, encore inconnu à Hollywood. Les studios rechignent, forcément, mais ils finissent par céder quand French Connection, le dernier film du réalisateur, reçoit l'Oscar du meilleur film. C'est la première fois dans l'histoire du cinéma américain qu'une œuvre classée R, interdite aux moins de 17 ans car très violente, reçoit une telle distinction. Friedkin, connu pour sa personnalité singulière, orgueil et folie douce, est agnostique. Il ne connaît pas les préceptes de l'Église catholique, mais il s'intéresse à la spiritualité. Et le roman de Blatty le fascine. Il accepte donc, immédiatement, pour un cachet conséquent à l'époque, 500 000 $ et 10% sur les recettes. Bill Blatty le sait, pour en avoir déjà fait les frais sur un projet précédent, le réalisateur qu'il a choisi, William Friedkin, a pour habitude de ne pas prendre de pincettes. Et quand il reçoit le scénario de Blatty, il fait honneur à sa réputation en gratifiant son collègue d'un billet doux qui dit « c'est une bouse ». Le différent entre les deux hommes repose notamment sur le sens du mal infligé à la petite et sur les causes de la mort du père Carras. Blatty veut que les messages théologiques soient clairs. La cible du démon n'est pas Reagan, mais les adultes qui s'agitent autour d'elle, parents et prêtres. Il s'agit de les faire douter de l'existence du bien. Quant à la mort de Carras, elle n'est ni un suicide ni un meurtre, mais un sacrifice signifiant que Dieu a vaincu le diable. S'il est d'accord sur le fond, William Friedkin souhaite laisser au spectateur la liberté de comprendre et d'éprouver, sans baliser le chemin de son raisonnement. Fin 1972, Blatty et Friedkin se mettent finalement d'accord sur une seconde version du scénario. Le film, comme le roman, met en scène la lutte entre le bien et le mal, mais aussi entre le présent et le passé, entre la science et la religion. S'il fera hurler et trembler, certes, Dans l'esprit du réalisateur et du scénariste, L'Exorciste n'est pas un film d'horreur, non. Il ne vise ni à faire peur, ni à choquer. Car ici, loin des films de la Hammer et de la tradition du genre, château gothique et autres vampires, l'action se déroule dans un décor réaliste, une maison bourgeoise de l'Amérique contemporaine avec des personnages ordinaires, une mère et sa jeune fille. D'ailleurs, moins que le diable, L'Exorciste raconte Dieu. C'est ce qu'explique William Friedkin au micro de Laura Adler en 2013. They don't want to see the crucifix and the vagina. Les gens n'ont pas envie de voir un crucifix et un vagin sur un même plan, sur l'écran. But there it is. Et pourtant, many people thought of it as il y a plein de gens only qui pensaient que c'était un blasphème, mais même un film de l'ordre du pornographique. It is neither. Alors que ce n'est ni blasphématoire, ni pornographique. But I understand that that's how mais it could seem. Je comprends que l'on puisse avoir cette perception des choses. Une chose est sûre, that many more people were inspired by it. Et ce film a inspiré pas mal de gens quand même. And it was the period in modern times, et c'était in which more people l'époque à laquelle became priests around the world. Beaucoup de gens se sont convertis or, à la religion dans or le monde. Joined or went back to the Catholic Church. Et ce sont, c'est une époque où les gens sont revenus ou sont allés vers l'Église catholique. You have a lot of power, don't you? No, it's the power of cinema. Non, non, non, c'est le pouvoir du cinéma. Pour interpréter les mystères de la foi avec la fraîcheur nécessaire, William Friedkin ne veut pas de stars. Il écarte Marlon Brando, Jack Nicholson et Paul Newman pour le rôle du père Keras, leur préférant un acteur amateur qui connaît intimement la religion catholique. Il s'appelle Jason Miller. Le rôle de la mère, Chris McNeil, est confié à Ellen Burstyn, aux dépens d'Audrey Hepburn et de Jane Fonda. Pour le personnage clé, Regan, William Friedkin voit plus de 1000 fillettes, sans résultat. Il cherche une actrice innocente qui soit capable de jouer la possession de façon convaincante, avec les épaules assez solides, pour assumer une expérience qui s'annonce intense. Un jour, alors que le réalisateur désespère, une mère lui demande de recevoir sa fille. La petite a 12 ans. Fan d'équitation, c'est une bonne élève, sérieuse et appliquée. Elle récite d'ailleurs sans broncher les obscénités que Friedkin lui fait lire, mais le surprend par une maturité et une audace qu'il n'attendait pas. Quand il lui demande si elle sait ce que c'est que la masturbation, elle lui répond du tac au tac, totalement impassible, évidemment, vous ne faites pas vous. Pour le réalisateur, cette actée Linda Blair sera Reagan. Le tournage peut maintenant commencer. Nous en sommes à chercher un psychiatre. Salut, Chuck, je t'en prie, entre. Je suppose que vous savez. Quand c'est quoi? Vous ne savez pas. Burke est mort. Il avait dû picoler, il est tombé du haut des escaliers dehors devant chez toi. En arrivant en bas dans la rue, il s'est fracassé le crâne. Oh non! Oh non! Dans cet extrait du film, Chris McNeil apprend que son amant, le réalisateur Burke Dennings, a été retrouvé mort sous la fenêtre de Reagan, dont la possession démoniaque semble de plus en plus évidente. Ironie du sort, ironie macabre, quelques jours après avoir tourné cette scène, Jack McGowan, l'acteur qui joue Burke Dennings, décède d'une grippe. Un destin tragique qui rejoint celui de 8 autres malheureux. En tout, ce sont 9 personnes, acteurs, techniciens et proches de l'équipe, qui perdent la vie pendant le tournage de L'Exorciste, frappé à jamais pour cause d'une légende noire. Une légende qui fera dire à Howard Newman, l'attaché de presse, « Sur le tournage, il est arrivé des choses qui ressemblaient à des interventions diaboliques. Qu'il s'agisse ou non de coïncidences, les numérologues se sont régalés. » Car en effet, les coïncidences malheureuses s'enchaînent. Au milieu du tournage, déjà ralenti par des accidents et décès à répétition, un incendie inexpliqué détruit les plateaux et interrompt le planning pour un mois, le temps de reconstruire tous les décors. Un coup dur pour le réalisateur, d'autant que la maison de Chris McNeil, décor principal du film reconstitué en studio, a été l'objet d'un travail long et techniquement complexe. Aujourd'hui, avec les technologies digitales, les effets spéciaux de L'Exorciste auraient été faciles à réaliser. Mais nous sommes en 1972 et tout est fait main. William Friedkin et son équipe ont multiplié les constructions mécaniques ingénieuses. La chambre de Reagan est montée sur un système à billes pour la faire bouger. Des cordes de piano sortent des faux plafonds pour que la fillette puisse entrer en lévitation. Un mécanisme installé dans les murs permet de secouer le lit et invention des plus surprenantes, la chambre est placée dans un cocon réfrigéré. Quatre énormes machines à air conditionné maintiennent ainsi la température du plateau sous 0 degré afin que des bouffées de vapeur réelles, oui réelles, sortent de la bouche des personnages. Les caméras gèlent, l'équipe aussi. Ces installations massives compliquent chaque prise, d'autant que la véritable malédiction démoniaque qui pèse sur le tournage, ce sont les méthodes du réalisateur, qui n'épargne rien, mais alors absolument rien à ceux qui travaillent avec lui. Friedkin souhaite instaurer une ambiance tendue et claustro sur le plateau. Alors, il supprime les chaises pour éviter les repos intempestifs entre les prises. Il diffuse continuellement des sons inquiétants, grognements et hurlements sinistres. Des prêtres bénissent régulièrement les décors, donnant le sentiment que le tournage lui-même doit être exorcisé. Enfin et surtout, William Friedkin pousse ses acteurs au bout de leurs limites, comme en témoignent plusieurs récits. William O'Malley, qui joue le père d'ailleurs, n'est pas acteur, mais prêtre catholique. Lors de la scène dans laquelle meurt le père Carras, il ne parvient pas à exprimer toute l'émotion que le réalisateur attend de lui. Après plus de 70 prises ratées au milieu de la nuit, William Friedkin lui donne soudain une claque retentissante avant de crier « Action !». Alors, le père explose en sanglots et s'exécute, chamboulé. Oui, mais cette fois, c'est la bonne. Face aux accusations de violence dont il fait les frais, William Friedkin se défend comme il peut. « Il n'y a pas que moi qui fais ça », se justifie-t-il sur France Inter. Il y a un plan de ce jeune prêtre dans l'exorciste. Il est en train d'écouter une cassette avec la voix du démon. And all of a sudden, he expects, he knows that the phone is supposed to ring in his room. Et le téléphone est censé sonner dans sa pièce, dans sa chambre. I don't have a phone ring. I have a gunshot fire, and he's terrified. Au lieu de faire sonner un téléphone, je donne un coup de revolver, et là, il a très peur. Now, I read about this. Confronté à ce comportement extrême, certains techniciens sont inquiets. Linda Blair, qui joue Reagan, n'a que 12 ans. Comment vivra-t-elle cette confusion entre le jeu et le réel, méthode que Friedkin affectionne? Eh bien, la jeune fille semble tout encaisser. Les répliques ordurières qu'elle doit prononcer, les températures glaciales, les 5 heures de maquillage quotidien. Mais un jour, tout va trop loin. Pour mimer les convulsions de Reagan, un technicien manœuvre un harnais télécommandé moulé sur la jeune actrice. Ballottée dans tous les sens, violemment projetée sur le matelas, elle crie au réalisateur d'arrêter. Personne ne comprend qu'elle le pense vraiment, car son personnage hurle justement la même chose. Jusqu'à ce que le harnais se détache et la blesse au dos. Et si le diable en personne, c'était William Friedkin? Docteur Clark? Oui, c'est moi. Docteur Tanet, bonjour. Les choses ont empiré depuis mon coup de fil. Montez vite. Elle a encore eu des spasmes? Oh oui, mais bien plus violents. Vous lui donnez ses médicaments? Oui. Et qu'est-ce qu'elle prend? Thorazine. Avant, elle prenait du Ritalin. Chris, les médecins! Madame McNeil, c'est le docteur Tanet. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ça brûle! Ça brûle! S'il vous plaît, docteur, aidez-la! Je t'en prie, maman! Arrête ça! Il est en train de tuer! Maman! Maman, arrête! Staring into open flame. 25 jours de tournage au lieu de 85, un budget initial de 5 400 000 $ multiplié par 2, 9 morts et autant de blessés, voilà le bilan du film L'Exorciste à la fin de l'été 73. Mais the show must go on. C'est maintenant l'heure du montage, ce moment si particulier où le réalisateur voit le film prendre forme. La date de sortie est fixée, ce sera pour Noël 73. Il reste donc 6 mois. 6 mois pour visionner des milliers de mètres de pellicules, monter les images, créer les effets sonores, enregistrer la bande originale, mixer, étalonner. 6 mois de tensions supplémentaires qui viennent parachever un tournage des plus éprouvants. La légende noire de l'exorciste, celle que le réalisateur et son équipe de communication commencent déjà à dessiner pour la postérité, n'épargne pas le montage, ni la post-production. Le film, que William Friedkin a ainsi assemblé de 140 minutes, ne lui plaît pas. Le réalisateur veut davantage d'efficacité dramatique et donc un film plus court. Tandis que William Blatty, scénariste et producteur, tient lui surtout à rendre explicite la dimension métaphysique de l'œuvre. Le désaccord, larvé pendant le tournage, remonte au premier jour de leur collaboration en vérité. Alors que Friedkin veut rendre le film aussi vendable et consommable que possible, Blatty craint que son message théologique en pâtisse. Friedkin écarte le scénariste des studios et opte pour un second montage de 122 minutes que Blatty n'approuve pas. Et quand rien ne va, rien ne va. C'est le constat qu'inspire l'exorciste. Car non content d'avoir compliqué le tournage et flétri les relations entre réalisateur et scénariste, le diable s'attaque ensuite à la bande originale du film. Confiée à Lalo Schifrin, le pianiste de Dizzy Gillespie, la musique de l'exorciste doit provoquer, selon l'expression de William Friedkin, la même sensation qu'une main froide sur l'épaule. Le réalisateur s'inspire de la musique classique contemporaine et rêve d'une bande originale minimaliste, atonale, glaçante. Mais le jour de l'enregistrement, Lalo Schifrin dirige un orchestre de 80 musiciens, dont nombre de cuivres chaleureux. Pour la musique discrète et froide, qu'imaginait Friedkin, on repassera. À 2 mois de la sortie du film, il annule tout et Lalo Schifrin est écarté. Il faut donc repartir de zéro. Alors, c'est en urgence, grâce à Gonzalo Gavira, collaborateur d'Alejandro Jodorowsky, au producteur de musique Jack Nitzsch et au futur fondateur de Virgin Records, Richard Branson, que Friedkin sauve la bande son, musique et bruitage compris. Un travail sous pression qui porte ses fruits, puisque le film recevra un Oscar pour le son, justement. Avec l'exorciste, Friedkin et ses collaborateurs ont inventé une façon de faire de la musique de film très novatrice, avec des procédés encore utilisés aujourd'hui, comme l'utilisation d'une boucle musicale. Les critiques, même les plus réticents, ne cesseront d'en encenser les qualités. Il y a une chose de très belle dans le film, c'est la bande sonore. Je trouve qu'il y a une bande sonore fantastique, et ce qui est très curieux, c'est qu'on a d'une part un film très grossier, très primaire, avec de la musique ultra-moderne de Penderecki, de Hans Werner Henze, de Webern, Et il y a une admirable bande-son, et à mon avis, le travail sur la bande-son est étonnant, et si on calcule l'effet qui est fait par le film, c'est, à mon avis, aux trois quarts par la bande-son. Et d'ailleurs, j'ajoute la bande-son, il y a la voix de Mercedes McCambridge, qui joue le démon, et qui interprète la voix de la petite fille, qui mue, n'est-ce pas, et d'un seul coup, une voix terrifiante. Et je dois dire que Mercedes McCambridge, Penderecki, Webern et Hans Werner Henze sont, à mon avis, les auteurs de l'exorcisme. La réussite majeure de l'exorciste en termes de son, c'est effectivement la déformation de la voix de Reagan. William Friedkin imagine une tessiture à la fois masculine et féminine qui suggère différentes épaisseurs, comme si la jeune fille était possédée par plusieurs démons. Pour incarner ce diable à la voix d'outre-tombe, gutturale et terrible, le réalisateur embauche donc Mercedes McCambridge. Alcoolique repentie, l'actrice se remet à boire et à fumer pour enrouer sa voix. Elle ingurgite des œufs crus avant les prises et demande à être attachée à une chaise pour entrer dans le rôle de Reagan. Ces hurlements, que Friedkin superpose à la voix de Linda Blair pour plus de réalisme, jouent donc un rôle majeur dans la progression de l'horreur et dans le souvenir sinistre que les spectateurs gardent du film. Qu'est-ce que c'est ? De l'eau bénite. Enlève-moi vite ça ! Ça brûle ! Ça brûle ! Alors qu'en salle de montage, on peaufine les derniers détails, William Friedkin et son équipe de communication lancent officiellement leur stratégie fondée sur la désinformation. Aux médias, le réalisateur raconte en effet que des images subliminales sont apparues d'elles-mêmes sur les bobines et puis qu'un des figurants est devenu serial killer et encore que le film a été marqué par une malédiction. Bien, il omet de préciser que sur un tournage de 9 mois, les blessures, incidents et autres décès naturels n'ont rien de paranormal. En revanche, il insiste sur le fait que Linda Blair n'a jamais été doublée. Oui, il l'affirme, la petite fille a tout tourné elle-même, y compris la scène du crucifix. C'est faux, bien sûr, mais la presse laisse courir. Elle laisse courir le bruit que le tournage a troublé mentalement la jeune fille et qu'il s'acharne sur elle. Linda Blair serait devenue folle et tombera d'ailleurs dans la drogue et l'alcool quelques années plus tard. Sans doute pour renforcer leur peur, les spectateurs veulent croire à cette malédiction de l'exorciste et ils attendent le film avec une impatience qui tourne bientôt à l'hystérie collective. Il se trouve que l'exorciste n'est pas classé X mais R, c'est-à-dire interdit aux moins de 17 ans non accompagnés. Un coup de pouce inattendu de la part des censeurs qui permet à Friedkin de remplir les salles. Le 26 décembre 1973, au lendemain de Noël, des foules incontrôlables font la queue sous la pluie et les cinémas appellent la police en renfort pour éviter les bagarres. À l'intérieur, dans les salles obscures, c'est le choc. Surgit de la nuit des temps, Satan fait sa rentrée. Il n'était pas parti bien loin. Diable des villes ou diable des champs, Mephisto adore les avatars, les métamorphoses. Il sait que tôt ou tard, il redeviendra à la mode. On le recevra dans les salons ou dans les fermes. Satan d'aujourd'hui méprise les bûchers des sorcières, les odeurs de soufre. Il se fait plus subtil, le malin. Il fait même du cinéma. Quand il se promène sur la pellicule, en plein XXe siècle, c'est du délire. Les spectateurs s'évanouissent, sont pris de convulsions ou de vomissements. Des ambulances attendent devant la porte. C'est Belzébuth, superstar. Malgré les évanouissements, nausées, fausses couches que provoque le film, le succès international est total. 2 ans d'exploitation ininterrompue aux États-Unis et plus de 400 millions de dollars de recettes font de l'Exorciste l'un des films les plus rentables de l'histoire. La scène du crucifix, de fait très impressionnante, marque les esprits au fer rouge. Avec une délectation mêlée de dégoût, les spectateurs découvrent alors le gore et les sensations fortes, car jamais un film grand public n'était allé aussi loin dans la représentation de l'horreur, et c'est réussi, comme l'explique Michel Simon sur France Culture. D'un point de vue cinématographique, c'est au fond destiné à une très grande consommation, à un très large public, un type de film qui était avant réservé à des salles spécialisées, parce qu'il y avait aussi des salles spécialisées dans l'horreur, comme dans le film érotique. Oui, il y avait les films de Dracula, les films de Frankenstein ne sortaient jamais sur les Champs-Élysées, on les réservait. Il y avait des amateurs bien connus qui allaient voir ce genre de film. Or, il s'agit d'un détournement d'un film de genre qui est devenu, par les soins de la publicité, du matraquage, d'un budget de 4 milliards d'anciens francs, une sorte de super-production, et il y a une sorte de gonflage de ce type de sujet qui fait que, alors que les films comme Dracula, les films anglais de Terence Fisher étaient des films qui étaient faits avec une certaine candeur, on a l'impression que le metteur en scène y croyait, et il n'abusait pas de ses effets, et on pouvait y prendre un réel plaisir, ce film a tendance à tout outré, c'est-à-dire à faire de chaque séquence une sorte de super spectacle à grands coups de gong. Et je crois que de ce point de vue-là, William Friedkin a traité tout le film comme la poursuite dans le métro aérien de French Connection, c'est-à-dire vraiment en utilisant les moyens les plus forts pour à chaque fois donner un coup au spectateur. Et le film réveille les pulsions malfaisantes de rares malades dont la presse relate les exactions avec délice, comme l'assassinat d'une fillette de 9 ans par un adolescent possédé et fan du film. Tandis que les moralistes dénoncent l'impact néfaste d'une œuvre jugée répugnante, certains observateurs y voient, eux, le reflet prophétique d'une société brisée et ils soulignent son pouvoir cathartique présumé. Une fiction capable de renvoyer les Américains à leurs incertitudes, leurs désirs refoulés, leur réalité. Quant aux gens d'église, eux non plus ne parviennent pas à se mettre d'accord. Le film de William Friedkin provoque des débats internes quant à l'existence du diable et aux formes qu'il prend. Certains prêtres déplorent que le film, les émissions de télé et les articles qu'il engendre provoquent un regain d'intérêt pour l'exorcisme. En effet, l'église prend en compte les troubles psychiatriques mais ne reconnaît que très peu de cas de possession. Certes, le mal existe, mais les fidèles ne doivent pas s'appuyer sur lui pour se dédouaner des failles qui existent en eux-mêmes. Malgré un tournage difficile, marqué par les coups du sort pseudo-diabolique et la personnalité d'un réalisateur sans concession, L'Exorciste est donc un succès qui bouleverse tout autant l'Église que la société américaine et les cinéphiles du monde entier. Pourtant, William Blatty, auteur fécond du best-seller mondialement connu, scénariste du film qui a retourné le cœur de l'Amérique, reste frustré, oui. Il en veut à William Friedkin d'avoir raccourci l'exorciste à l'automne 1973. Des missions de radio en conférence, durant lesquelles il affronte sans haine mais fermement, Blatty convainc Friedkin, il faut remonter l'exorciste. 27 ans après la sortie du film Choc, le réalisateur cède enfin à l'obsession de son scénariste et ami. En septembre 2000, le public découvre ainsi L'Exorciste, la version que vous n'avez jamais vue, film de 133 minutes, sous-titré en France, le film le plus terrifiant de tous les temps. La nouvelle version, augmentée de 11 minutes, comprend des scènes horrifiques comme celle de l'araignée où Reagan descend les escaliers en faisant le pont, une nouvelle bande-son, plus efficace que jamais, et une fin additionnelle qui précise le sens du film. Voilà la nouvelle version, celle du scénariste, plus spirituelle et plus éprouvante. C'est un carton. Oui, Satan fait toujours recette. Sympathy for the devil. En 2017, 45 ans après la première version du film, L'Exorciste est toujours aussi effrayant, dérangeant, épuisant. Le temps n'a pas entaché la brutalité du montage, l'obscénité des dialogues, ni le choc que provoquent certaines scènes. Véritable phénomène de société à l'époque, notamment aux États-Unis où il a violent le public, le film est devenu un mythe au fil des légendes qui l'ont accompagné. Un mythe porteur de vérité. Le mal existe et il peut s'introduire partout, même dans les foyers les plus tranquilles. Bien. On ne s'évanouit plus aujourd'hui, c'est vrai, trop habitués que nous sommes à la représentation de l'horreur, mais le cœur et l'âme en sont inévitablement retournés. We'll be right back. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'exorciste, notre invité Julien Maury, bonjour. Bonjour. Scénariste, réalisateur, spécialisé dans le film, on peut appeler film de genre. Vous avez co-réalisé 4 films avec Alexandre Bustillo, dont le dernier, alors, Leatherface, sortira sur les écrans en janvier 2018, c'est ça ou pas? Oui, il sortira en janvier, malheureusement pas sur les écrans, il sortira en vidéo. Tiens donc, bon. Alors, d'André Muschietti, sorti le 20 septembre dernier, le premier film d'horreur a dépassé L'Exorciste en termes de succès avec plus de 480 millions de dollars de recettes au box-office mondial. Voilà, ça veut dire que L'Exorciste n'avait pas été détrôné jusqu'ici. Comment vous expliquez cela? Parce que l'offre des films d'horreur, horrifique, elle est quand même large, elle est importante, avec des chefs-d'œuvre. Je pense notamment au chef-d'œuvre de Kubrick, Shining, qui est un réalisme extraordinaire. Eh ben, L'Exorciste a fait plus de spectateurs. Pourquoi il n'a pas été détrôné? Qu'est-ce qu'il a de si fort? Ah, c'est une vaste question. Oui. Il y a plusieurs éléments de réponse, plusieurs pistes. Je crois que le film a une certaine universalité, en fait. C'est-à-dire que il peut toucher vraiment un panel très large de spectateurs, à la fois les clients de ce type de film, c'est-à-dire plutôt les adolescents, puisque il aborde des thématiques qui sont très liées à l'adolescence, où c'est quand même l'histoire d'une jeune fille qui se révolte contre toutes les institutions, contre sa mère, contre l'église, contre les conventions sociales. Elle bouscule tout, donc on peut aisément s'y retrouver quand on est adolescent. Et puis ça va bien au-delà de son sujet. C'est un film sur vraiment la lutte contre les forces maléfiques qu'on peut avoir en nous, tout simplement, sans être dans un contexte religieux. Et donc évidemment le passage à l'âge adulte, c'est exactement le moment charnière que vit Reagan. Donc il y a en fait plusieurs pistes d'interprétation, de lecture, à mon avis, qui touchent les gens de manière très sensible. Ils font vibrer des cordes en fonction de chacun. Donc je pense que c'est l'affaire sensible, quoi. C'est exactement, voilà. Bien. Alors, je voudrais pas tomber dans le c'était mieux avant, c'est trop facile, mais on connaît quand même la dimension politiquement correcte du monde dans lequel nous vivons. Bref, la scène du crucifix pourrait-elle être tournée aujourd'hui? Eh bien, je ne pense pas. Non, parce que en fait, surtout dans un film de studio, puisque faut pas l'oublier, L'Exorciste, c'est un film de studio, vraiment avec la force et les moyens de distribution d'un studio. Et aujourd'hui, oui, effectivement, on va pas avoir un discours pas passéiste, mais il se trouve qu'il y a quand même dans le film d'horreur, parce que c'est ça dont on parle aujourd'hui, il y a quand même un retour à un certain ordre moral, et les films d'horreur actuels manquent terriblement de subversion et de messages. C'est-à-dire que un des buts du cinéma horrifique est de faire réfléchir, de faire réagir. C'est un cinéma de la sensation, un cinéma viscéral, et donc qui est censé provoquer des sensations comme ça. Il y avait une sorte d'ordre moral aussi dans L'Exorciste, puisqu'il s'agit de montrer la victoire du bien sur le mal. Il y a aussi cette dimension-là. Alors, oui, ça c'est... Mais elle est servie par des scènes qu'on n'oserait peut-être pas tourner aujourd'hui, effectivement. Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a, graphiquement, même si la scène est extrêmement courte, elle a un impact incroyable sur les spectateurs, et encore aujourd'hui. Elle reste absolument tétanisante. La victoire du bien, ça reste encore un sujet d'interprétation dans le film, puisque ça c'est vraiment la version du scénariste de Blatty, et Friedkin est beaucoup plus malin que ça, puisque justement le film, une des raisons aussi pour lesquelles il est encore si sulfureux, c'est qu'il donne pas toutes les clés et qu'à la fin l'interprétation est encore libre, c'est-à-dire que il a fait naître le mal et finalement il le fait pas disparaître. C'est-à-dire que la seule moyen de s'en débarrasser, c'est de se suicider, puisque oui. C'est le voilà. Donc le mal en fait est là et on sait qu'il peut être partout et il peut s'introduire n'importe où. Alors dans les années qui ont suivi la sortie de L'Exorciste en 73, rappelons-le, il y a eu un nombre assez important, voire considérable, de films d'horreur aux États-Unis. Est-ce que le film de Friedkin a ouvert une brèche, selon vous, lancé un mouvement du film d'horreur? Alors, le film d'horreur existait. Le film d'horreur existait depuis longtemps, depuis les années 30. Mais effectivement, L'Exorciste, il lance l'âge d'or du film d'horreur. C'est cette décennie des années 70. Déjà pour une raison toute simple, c'est que c'est un succès. C'est-à-dire que le film est un énorme carton mondial. Et si le film avait été un flop, c'est sûr que les choses auraient été très différentes. Et on reste quand même dans une industrie à Hollywood. Et donc, d'un coup, les studios se rendent compte que ça fonctionne, qu'il y a de l'argent à se faire et que c'est le genre horrifique et lucratif. Donc, on va donner sa chance à d'autres réalisateurs et scénaristes. Alors, on va écouter une archive. Il s'agit de Gérard Miller, le psychanalyste médiatique, qui on demande son avis sur tout, hein, parfois sur tout, qui le donne de façon plus ou moins éclairée. Mais là, c'est intéressant. C'est sur France 2, en 2000, l'année de la sortie de la version intégrale de L'Exorciste. Alors, la question, est-ce qu'on n'est pas toujours dans la surinterprétation des films d'horreur en cherchant la métaphore? On va écouter ce qu'en pensait en 2000 Gérard Miller. Chaque époque a ses terreurs que le cinéma retranscrit. Quand Francis Ford Coppola réalise Dracula, la presse n'hésite pas à y voir l'allégorie des années sida. Dans les années 60, admettons que nous étions menacés par la puissance communiste. Et on nous présentait quoi comme danger? Les envahisseurs de l'espace. Un petit peu plus tard, on était réellement menacé par le sida. Et de quoi nous parlait-on? De Dracula. Donc, c'est vrai qu'on part souvent d'une peur qui semble un peu réelle, et puis on la déplace dans ce cinéma-là. C'est quand même profondément un cinéma qui est fait, en fait, pour apaiser, pour calmer. Bon, j'ai envie de me calmer, de me détendre, de m'apaiser, je vais voir L'Exorciste. On peut le voir comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis tout à fait d'accord avec Gérard Miller. Il a raison. C'est-à-dire que, enfin, moi en tout cas, c'est mon sentiment. C'est-à-dire que le film d'horreur est un fabuleux baromètre sismographe de la société. C'est-à-dire que, évidemment pas tous, parce qu'il y en a énormément, mais ceux qui ont quelque chose à raconter, comme il le dit, essentiellement aux États-Unis, les grandes vagues de films d'horreur correspondent toutes à des crises. Les grands films des studios Universal arrivent juste après le krach de 1929. Et on en parlait d'ailleurs dans Affaires Sensibles il y a quelques jours dans la fiction consacrée à Star Wars, où on nous expliquait à quel point il était une métaphore, une représentation artistique, notamment du conflit du Vietnam, les États-Unis et le Vietnam, entre autres. Mais complètement, complètement. Il faut effectivement le contexte, vous en avez parlé tout à l'heure, mais le contexte de l'Amérique sous Nixon est extrêmement intéressant quand on le met en perspective du film. C'est-à-dire que l'Amérique est en pleine, enfin, elle déchante. C'est-à-dire que là, c'est la fin du rêve américain, c'est la fin des 60s, la fin des hippies. Les idoles viennent de mourir. Jim Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Kennedy. Ouais. Et les États-Unis s'enfoncent dans une mauvaise conscience, on va dire. Dans une crise. Ouais. Et surtout, on n'a plus confiance dans les institutions. Nixon vient d'avoir le Watergate, et donc il faut exorciser tout ça. Exorciser, voilà. Anne-Hélène Verzo, bonjour. Vous bonjour. Êtes notre reporter. Vous vous déplacez Affaires Sensibles au cœur de la vie, des vrais gens, de la vie réelle. Et rappelons que l'exorcisme n'existe pas que dans les films. Il y a des exorcistes, en vrai. Vous êtes allé voir un exorciste, Adèle, un vrai. Un vrai, à l'église, comme 2500 personnes chaque année en Île-de-France. Mais avant tout, alors il faut que je vous dise, quand je suis arrivée à l'église, il venait tout juste d'y avoir un exorcisme. Ah, c'était celui du jeune homme de 19 ans, là, qui devinait des choses extraordinaires. Je sais pas, peut-être de la petite mongole de 4 ans, qui parlait ch'ti depuis le fin fond de la Mongolie. Ou encore la dame qui s'est mise à parler couramment néerlandais pendant l'exorcisme, alors qu'elle le disait elle-même, elle est nulle en langue. Mais je peux pas vous dire, ces exemples m'ont été donnés par le prêtre, mais il n'a pas voulu m'en dire plus. Secret professionnel, comment en médecine. Alors, ce qui est pratique, c'est qu'une seule séance d'exorcisme peut suffire pour se débarrasser du diable, puisque c'est quand même l'objectif. Voilà, c'est beaucoup plus rapide qu'une psychanalyse, et c'est gratos. Alors, on va commencer par le commencement, Anaëlle. D'abord, votre coup de téléphone. Bonjour, Vous êtes bien au service de l'exorcisme de l'Église catholique. Pour prendre rendez-vous, merci d'appeler à ce numéro les mardis, mercredis et vendredis de 9h30 à midi et de 14h30 à 17h. Bah alors comment je fais avec mon diable, moi ? Nous vous remercions de votre appel et vous assurons de nos prières. Nous vous remercions de votre appel et vous assurons de nos prières. Le service est fermé en juillet-août. Il est fermé également à Noël. Parce que bah, c'est la trêve des confiseurs, aussi bien pour le diable que pour vous ou pour moi. Je me trouve à quelques mètres du cimetière du Père Lachaise à Paris. Et là, je me trouve juste devant la basilique catholique Notre-Dame du Perpétuel Secours. Et je me trouve là parce que j'ai rendez-vous avec l'exorciste, le Père Georges Berson, en personne. Entrez. Merci. Voilà. C'est la chapelle. Il y a l'autel où on dit la messe. Il y a le crucifix. Alors vous voyez qu'on a une très belle Vierge romane. Une belle lumière. Et c'est ici que vous recevez les personnes. C'est ici que reçoit les gens pour faire un exorcisme majeur. Jésus. Ça ressemble à quoi un exorcisme majeur ? Ouais, c'est tout un rituel, si vous voulez. D'abord, il y a la bénédiction avec l'eau bénite. Alors là, il peut arriver que le possédé hurle à l'eau bénite comme si moi je vous aspergeais avec du plomb en fusion. Hein. Des hurlements. Le diable n'aime pas l'eau bénite. Non. D'ailleurs, on a fait un sas pour sonore, pour éviter que les hurlements du possédé ne dérangent les gens qui sont dans la crypte ou dans le reste de la basilique. C'est des hurlements si forts ? Oh ! Oui. La personne arrive là et elle s'assoit. Oui. Là, il y a des chaises de chaque côté. Oui, elle s'assoit. Oui. Et puis on commence la prière. C'est assez long. Vous avez déjà assisté à une liturgie catholique ? Oui. Bon, alors, il y a d'abord une prière d'ouverture. Il y a les litanies des saints, la vénération de la croix. Alors, il peut arriver que le possédé hurle quand on approche la croix. Le diable s'énerve. Alors, il jette la personne par terre, la personne se roule sur le tapis, enfin, etc. Parce qu'il y a, vous voyez, il y a au centre, il y a un grand tapis. Et donc, après la prière ? Alors, il y a une seconde partie impérative où là, le prêtre dit, au nom du Christ, je t'ordonne, sors de cette personne, va-t'en. Alors, le diable hurle. Oui, mais d'ailleurs, et il peut arriver même que la personne grimace, les traits de la personne se transforment et il ressemble à un lion. La personne rugit comme un lion. J'étais avec là, mon collègue il n'y a pas très longtemps, le possédé est venu à quatre pattes, il est venu là, entre nous deux, sa tête était à peu près au niveau de où nous avons nos livres, et il rugissait, il bavait et il était menaçant. Mais à quelques centimètres de vous ? À quelques centimètres, mais il ne nous a pas touchés. Un jour ici, là, dans cette chapelle, mon collègue, l'exorcisme avait été un peu difficile. Alors mon collègue s'assied et dit « prions en silence ». Et alors la personne qui était là par terre, le diable crie « non, non, non, je hais le silence, pas le silence, je hais le silence ». J'ai inventé la télévision pour que les gens ne soient pas en silence. Il ne faut pas que les gens soient en silence. Tout à fait extraordinaire. Je hais le silence. Et d'après vous, pourquoi le diable choisit certaines personnes plutôt que d'autres ? Ça, c'est un mystère, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Il peut y avoir de mille exceptions, mais enfin, souvent, il y a un terrain fragile, qui a été fragilisé dans la petite enfance par des blessures, des viols, ou des incestes, enfin, etc., souvent. Et là-dessus se greffe, soit à l'adolescence, soit à l'âge adulte, un risque que la personne prend. Vous savez, quand on passe une nuit à chanter « Satan, come up, come up, Satan, come up, come up », à la fin, il comes up. Vous voyez ? Mais oui, dans certaines personnes. Ou en faisant du spiritisme. On a eu ici une personne qui est venue, est originaire des très, très chics quartiers de l'Ouest parisien. Elle avait été invitée par des amis à aller passer le week-end dans un château en Normandie. Ils ont fait tourner les tables. Elles ont tourné, mais elle est arrivée ici possédée. Jésus. Voilà, et la personne repart en principe dépossédée, c'est l'objectif. Hein. Julien Maury, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ça existe, la preuve, et c'est étonnant, hein, ce prêtre en parle voilà, de façon plutôt sincère et transparente. Oui, c'est vrai, il a une approche assez intéressante. Ça existe, effectivement. Et je vous pose la question, parce que, effectivement, si je vous dis que ça existe, vous dites, bon, bah oui, ça existe, on vient d'entendre. Je vous pose la question, parce que vous-même, vous êtes cinéaste et scénariste, donc cinéma d'auteur, vous puisez dans la réalité de notre vie pour trouver des idées, monter des films. Bien sûr, oui, c'est évidemment un faisceau d'influence très très large. La vie réelle en fait partie, effectivement. Je crois que de toute façon, on n'arrivera jamais à être aussi effrayant que le journal de 20h ou que quelconque réalité. Après, notre moteur avec Alexandre Bustillo, ça a toujours été nous de qu'est-ce qui nous fait peur. Donc c'est quelque chose de très personnel et on se dit, si ça nous fait peur à nous, ça doit faire peur à d'autres. J'ai cru comprendre, sans en être certain, que le film qui sortira donc en vidéo en janvier 2018 a quelque chose à voir, ou aurait quelque chose à voir avec un film comme Massacre à la tronçonneuse. Il y a un cousinage entre les deux. Il y a plus qu'un cousinage. C'est un 4 c'est un remake. C'est un préquel, c'est-à-dire que ça se passe avant le film original de Tobe Hooper. D'accord. Voilà, donc ça raconte une partie des origines du fameux tueur au masque de peau humaine. Très très rapidement, il y a eu Massacre à la tronçonneuse 1, Massacre à la tronçonneuse 2 et à la 3. Ça, c'est aussi le genre du film de genre de faire. Ça colle bien au film d'horreur de faire des remakes. Oui, en fait, les suites, ce n'est pas que pour les films d'horreur, mais c'est vrai que en général, ça s'y prête quand il y a un univers fort, un univers riche, qui est effectivement qui peut se prêter à un développement. Merci infiniment, Julien Maury. Au revoir. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le film L'Exorciste, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Stéphane Bonjard qui était à la technique aujourd'hui.